Deuxième livre de Samuel, chapitre 19. Et on rapporta à Joab, en disant, « Voilà le roi qui pleure et mène deuil sur Absalom. » Ainsi la délivrance fut en ce jour-là changée en deuil pour tout le peuple, parce que le peuple avait entendu qu'on disait en ce jour-là, « Le roi a été fort affligé à cause de son fils. » Tellement qu'en ce jour-là le peuple, venait dans la ville à la dérobée, comme s'en irait à la dérobée, un peuple qui serait honteux d'avoir fui dans la bataille. Et le roi couvrit son visage, et criait à haute voix, « Mon fils Absalom ! Absalom mon fils, mon fils !» Et Joab entra vers le roi dans la maison, et lui dit, « Tu as aujourd'hui rendu confuses, les faces de tous tes serviteurs qui ont aujourd'hui garanti ta vie, et la vie de tes fils et de tes filles, et la vie de tes femmes, et la vie de tes concubines. De ce que tu aimes ceux qui te haïssent, et que tu es ceux qui t'aiment, car tu as aujourd'hui montré, que tes capitaines et tes serviteurs ne te sont rien, et je connais aujourd'hui que si Absalom vivait, et que nous tous fussions morts aujourd'hui, la chose te plairait. Maintenant donc lève-toi, sors, et parle selon le cœur de tes serviteurs, car je te jure par l'Éternel que si tu ne sors, il ne demeurera point cette nuit un seul homme avec toi, et ce mal sera pire que tous ceux qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. » Alors le roi se leva et s'assit à la porte, et on fit savoir à tout le peuple, en disant, « Voilà, le roi est assis à la porte, et tout le peuple vint devant le roi, mais Israël s'enfuit, chacun en sa tente. » Et tout le peuple se disputait à l'envi dans toutes les tribus d'Israël, en disant, « Le roi nous a délivrés de la main de nos ennemis, et nous a garantis de la main des Philistins, et maintenant qu'il s'en soit fui du pays à cause d'Absalom. » Or Absalom, que nous avions loin pour roi sur nous, est mort en la bataille, et maintenant pourquoi ne parlez-vous point de ramener le roi ? Et le roi David envoya dire aux sacrificateurs Tsado et Abiatar, parlez aux anciens de Juda, et leur dites, pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi en sa maison ? Car les discours que tout Israël avait tenus, étaient venus jusqu'au roi dans sa maison. Vous êtes mes frères, vous êtes mes os et ma chair, et pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi ? Dites même à Amasa, n'es-tu pas mon os et ma chair ? Que Dieu me fasse ainsi et ainsi il y ajoute, si tu n'es le chef de l'armée devant moi toujours en la place de Joab. Ainsi il fléchit le cœur de tous les hommes de Juda, comme si ce n'eût été qu'un seul homme, et ils envoyèrent dire au roi, retourne-t'en avec tous tes serviteurs. Le roi donc s'en retourna, et vint jusqu'au Jourdain, et Juda vint jusqu'à Gilgal pour aller au devant du roi, afin de lui faire repasser le Jourdain. Et Simi fils de Guéra, fils de Jémini, qui était de Baïrim, descendit en diligence avec les hommes de Juda au devant du roi David. Il avait avec lui 1000 hommes de Benjamin. Siba serviteur de la maison de Saül, et ses 15 enfants, et ses 20 serviteurs étaient aussi avec lui, et ils passèrent le Jourdain avant le roi. Le bateau passa aussi pour transporter la famille du roi, et faire ce qui lui plairait. Et Simi fils de Guéra se jeta à genoux devant le roi, comme il passait le Jourdain, et il dit au roi, « Que mon Seigneur ne m'impute point mon iniquité, et ne se souvienne point de ce que ton serviteur, fit méchamment le jour que le roi, mon Seigneur sortait de Jérusalem, tellement que le roi prenne cela à cœur. Car ton serviteur connaît qu'il a péché, et voilà, je suis aujourd'hui venu le premier de la maison de Joseph, pour descendre devant du roi mon Seigneur. » Mais Abisaï fils de Tseruja, répondit, et dit, sous ombre de ceci ne fera-t-on point mourir Simi, puisqu'il a maudit loin de l'Éternel ? Et David dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja, car vous m'êtes aujourd'hui des adversaires ? Ferait-on mourir aujourd'hui quelqu'un en Israël, car ne connais-je pas bien qu'aujourd'hui, je suis fait roi sur Israël ? Et le roi dit à Simi, tu ne mourras point, et le roi le lui jura. Après cela Mephibosheth fils de Saül, descendit au devant du roi, et il n'avait point lavé ses pieds, ni fait sa barbe, ni lavé ses habits, depuis que le roi s'en était allé, jusqu'au jour qu'il revint en paix. Il se trouva donc au devant du roi, comme le roi entrait dans Jérusalem, et le roi lui dit, « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Mephibosheth ? » Et il lui répondit, « Mon seigneur, mon serviteur m'a trompé, car ton serviteur avait dit, je ferai seller mon âne, et je monterai dessus, et j'irai vers le roi, car ton serviteur est boiteux. Et il a quel homme nié ton serviteur auprès du roi mon seigneur, mais le roi mon seigneur est comme un ange de Dieu, fais donc ce qu'il te semblera bon. Car quoique tous ceux de la maison de mon père ne soient que des gens dignes de mort envers le roi mon seigneur, cependant tu as mis ton serviteur entre ceux qui mangeaient à ta table, et quel droit ai-je donc pour me plaindre encore au roi ? Et le roi lui dit, pourquoi me parlerais-tu encore de tes affaires ? Je l'ai dit, toi et Tsiba partagez les terres. Et Méphibosheth répondit au roi, qu'il prenne même le tout, puisque le roi mon seigneur est revenu en paix dans sa maison. Or Barzillai de Gala était descendu de Rogdim, et avait passé le Jourdain avec le roi, pour l'accompagner jusqu'au-delà du Jourdain. Et Barzillai était fort vieux, âgé de 80 ans, et il avait nourri le roi tandis qu'il avait demeuré à Mahanajim, car c'était un homme fort riche. Et le roi avait dit à Barzillai, passe plus avant avec moi, et je te nourrirai avec moi à Jérusalem. Mais Barzillai avait répondu au roi, combien d'années ai-je vécu, que je monte encore avec le roi à Jérusalem? Je suis aujourd'hui âgé de 80 ans, pourrais-je discerner le bon avec le mauvais? Ton serviteur pourrait-il savourer ce qu'il mangerait et boirait? Pourrais-je encore entendre la voix des chantres et des chanteuses, et pourquoi ton serviteur serait-il à charge roi mon seigneur? Ton serviteur passera un peu plus avant que le Jourdain avec le roi, mais pourquoi le roi me voudrait-il donner une telle récompense? Je te prie que ton serviteur s'en retourne, et que je meure dans ma ville pour être mis au sépulcre de mon père et de ma mère, mais voici, ton serviteur qui m'en passera avec le roi mon seigneur, fais-lui ce qui te semblera bon. Et le roi dit, que qui m'en passe avec moi, et je lui ferai ce qui te semblera bon, car je t'accorderai tout ce que tu saurais demander de moi. Tout le peuple donc passa le Jourdain avec le roi. Puis le roi baisa Barzillai, et le bénit, et Barzillai s'en retourna en son lieu. De là le roi passa à Gilgal, et Kimham passa avec lui. Ainsi tout le peuple de Juda, et même la moitié du peuple d'Israël, ramena le roi. Mais voici, tous les hommes d'Israël vinrent vers le roi, et lui dirent, pourquoi nos frères les hommes de Juda, t'ont-ils enlevé, et ont-ils fait passer le Jourdain au roi et à la famille, et à tous ces gens? Et tous les hommes de Juda répondirent aux hommes d'Israël, parce que le roi nous est plus proche, et pourquoi vous fâchez-vous de cela? Avons-nous rien mangé de ce qui est au roi, ou en recevrions-nous quelque présent? Mais les hommes d'Israël répondirent aux hommes de Juda, et dirent, nous avons dit part au roi, et même nous sommes à David quelque chose de plus que vous, pourquoi donc nous avez-vous méprisé, et n'avons-nous pas parlé les premiers de ramener notre roi? Mais les hommes de Juda parlèrent encore plus rudement que les hommes d'Israël.